Anis Amour, Monsieur le maire Hugues Ngolondele, Oyo Tokolobalelo et le Kaoyo Tolobakilobi, Président Gino Bokana, Papa na Anaël, Oncle Didas Pembena Mama Lina, Ya Eugène Nguesso, Gontron OBG de Man Rock, Freddy Peugeot, Robert Lobota, Rex Matondo. Zamba Pessa, longévité, amour, yep, Anissa, amour fou. Nabaneli amour malami trato, poya monde l'opelou timotuya. Nabaneli amour malami trato, poya monde l'opelou timotuya. La parole fait chère, c'est Jésus. L'amour en personne, c'est Anissa. Yo Anissa, yo Ninele, yo Anissa, Mama Hugues Henri, de Bangolondele. Ah, chérie, aïe, bonheur, richesse, longévité, amour, amour. Anissa, Anissa Sali, Missy Aquarium, Menala Kolia, Anissa, Po Atonda Elengi, Atonda Bolingo, Aza Spécial, Anissa Sokazala qui n'est pas qu'à Pharaon, mais Pharaon Alina Kazala Polygamte, Pokito Kwa Basine Nyonswe, Tonda Nanzo, Paninele. Anissa, hey, monsieur le maire, Zoua maman bobina non boutoua china si ma bobo tanarumba. L'impératrice Wivine Moleka Sandra Queen. Tendresse ma son et simbelia ta loge. Y'en a tendresse et simbelia Anissa. Amour à vrai, botouna ninel, botouna Anissa. Soki pa kananga bien, yepwa. Atamise la kanga mwinga bajou. Et la classe et la noblesse, Didi Kinoane, est-elle Ngombe? Hoka. Moutouash. Des planètes voyage, Dolce Vita Jeanne d'Arc. Koko Rubenga, Rubench, Joka Kabengele, Sambali, Papi Masamba. Raoul Itono, le prince des diamants. Nzambe nangaye, merci papa. Papo Chomero, merci papa. Obota Ninele, mama ya mwana nangaye. Obota Anissa, amour abina nangaye. Nasila langwa nanga bolima Anissa nangaye. Nele pandaye. Chérie, maman, swa nonga ye. Mongo sebeli nonga ye. Nana boy balongo na matiti pene ya lilita nanga mekusu. Asonya zote bazo kipete mama kasi pula. Boy bake mama bugari. Azali son jeune alota kote ne somni. Laetitia basembe jo bumba la evangeli le bouclier. Li passa bangongo na jongo. Alain Ganda Eric Ndombasi. Oh oh oh Anissa eh oh oh ma chio komisa ngalokola mwana moke ale la kabiskwi bonbon chocolat mon ami komi eleni mona boy bayi ba senti ma bolingo yo mona benga chéri mona benga pepe chaga mona benga papi kas ya didi was Patrick Bachelor Aristote ma samba en tout sexy Armela nganga Bali moi moitié moitié Nana panda Nana suki awa Bali moi rimesu Anissa swanonga ye Tabu fatu te delito Salon régional à congolaise Chérie nanga ye Anissa Mama mwana nanga Hugues Henri Vogue magasin chez Kandi Yaya Baleki PDG Willy Etoka Agazul Zulmani ya Espezitisa Président Gudomis PDG Bobo Newman Chris Moulenda le prince de Drancy Ya Junior Okito Redo Mwananzinga Francisco Dongo Ferrari et Toto Ouseni Na Ele